Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjack 94.2 pour l'émission Call du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va impec. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux comme Rihanna, Jahil, Pitbull, Iwaxon, sans oublier Musical Yacht, UB40, Danakil et Ariana Grande. Life, I know it was alright. I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody. And I took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Expect me to do if you're playing me for a fool. I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, 'cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son. Took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. And in and in and life so soon. When me pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Ram pa pa bum, ram pa pa bum, ram pa pa bum. Me say one man down. Oh me say ram pa pa bum, ram pa pa bum, ram pa pa bum. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can see me now, see me now. Oh mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Cher Rasta, c'était Rihanna Mendon. Je vous propose qu'on continue avec un autre chanteur très talentueux qui se nomme Jahil. Il a commencé à chanter et à être actif dans les années 90. Il va chanter la chanson Si j'étais président. Allez, c'est parti. Moi, si j'étais président, j'aurais pas fait longtemps. Si j'étais député, je crois qu'il m'aurait buté. j'étais commissaire, je foutrais mon flingue en l'air. Toi dis-moi combien je fais de temps. Si j'étais président, j'étais premier ouvrier. J'étais premier ouvrier à dormir à l'Élysée. Le garantique à l'Assemblée. Le garantique à l'Assemblée. J'aurais des gueules plus colorées. J'étais chef du FMI. Les poches à Rothschild, les poches à Rothschild, pour tout donner au bidonville. Et mon frère, si j'avais contrôlé Wall Street, t'aurais peut-être gardé ton fric. Mais les temps changent, maintenant les banques font des holders. Et j'aurais fait l'humanitaire, j'étais le chef de la FIFA. Facile, on garde les mêmes salaires, les mêmes salaires, les mêmes salaires en CFA. J'étais président, j'aurais pas fait longtemps. Si j'étais député, je crois qu'il m'aurait buté. Si j'étais commissaire, je foutrais mon flingue en l'air. Toi dis-moi combien je fais de temps. Si j'étais président, ah, si j'étais présentateur, si j'étais présentateur, vous voyez ma gueule aux 20h. J'aurais plus parlé du Darfour. Que d'Ingrid Betancourt. Et dans ta classe de 25, en cours de lettres appliquées, on parlerait pas du passé simple, non, non, mais plutôt le futur compliqué. J'suis ni à gauche, j'suis ni à droite, j'suis juste un gars d'en bas. Le seul parti qu'aurait ma carte, c'est celui qui marche droit. J'm'en fous d'identité française, on est tous de la race humaine. De façon j'aime pas la Marseillaise, j'aime pas la Marseillaise. Moi j'préfère la Colombienne. Moi si j'étais président, j'aurais pas fait longtemps. Si j'étais député, j'crois qu'il m'aurait buté. Moi si j'étais commissaire, j'coûterais mon flingue en l'air. Dis-moi combien je fais de temps. Voilà mes chers Rasta, c'était Jahil. Notre prochain artiste s'appelle Pitbull. Il est né le 15 janvier 1980 à Miami. Sa chanson s'appelle Option. J'espère qu'elle va vous plaire. Steven Marley, let him know what time it is. We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right I'm your man. This night going too good, don't fall for the games. He said, she said, dumb shit. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under, but I know what this could be, tearing out my history for you. Been around the fame, been around the money, been around some names, but the Chico's still the same. Some things never change. Here's a tip, show me your friends, I'll show you your future. Keep the change. I've seen them come and go, I've seen them sell their souls. You my number one draft pick, baby, let's pick and roll. I always keep you up, up on a pedestal. misery, less company. Baby, don't sweat these hoes. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under, but I know what this could be, clearing out my history for you. Man, they looking for the perfect life. They take some perfect pics. They want some perfect dick, but ain't nothing perfect, girl. No such thing as a perfect world. These broads try hard to be who they not and not who they are. Baby, you sweating what? Baby, you sweating who? You talking about such and such? Who tries to be you? Man, you JFK. Mommy, you out your man. Misery loves company. I'll tell you one more time. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under, but I know what this could be, tearing out my history for you. You know we got a strong thing, so stop thinking about the wrong things. You know we got a strong thing, so stop thinking about the wrong things. Pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à l'artiste suivant qui se nomme I Walk Sound. La chanson que nous allons entendre se nomme Toi qui me juges. Selon l'âge et l'ancienneté, selon les classes sociales auxquelles nous sommes apparentés, selon les cases dans lesquelles ils nous mettent pour mieux nous contrôler. Chacun son style, chacun sa vie, comme le veut notre société, faite de dress code et de conduite qu'il nous faut sagement respecter. Chacun son style, chacun sa vie, en perdant sa liberté, corresponde à des critères qu'il voudrait nous imposer. Trop segmenté, les gens sont classés dans des cases où l'opinion publique ne cesse de les catégoriser. Un objectif, garder tes différences, c'est ta marque de fabrique pour être à l'aise dans tes pompes comme expression que tu connais. Toi qui me juges, tu croises mon intégrité. Si les apparences sont trompes, je peux sûrement vous l'expliquer. Tu me vois tel que je suis, c'est toute la complexité du personnage que j'incarne dans toute sa diversité. Toi qui me juges, es-tu capable de te regarder? Es-tu prêt à franchir ce cap avant de me critiquer? Si trop de différences nous séparent, c'est ça la mixité. Alors essaye de comprendre ça avant de fabuler. Qui me juge, me connais-tu vraiment? Sais-tu ce qui compte peu pour moi de ce qu'il y a d'important? Connais-tu mon vécu, mais le connais-tu vraiment? Peut-on connaître une personne, savoir ce qu'elle pense intérieurement? Toi qui me juge de manière précipitée, crois-tu que des fringues portées déterminent ta mentalité? Qu'une tignasse visuellement nuisible puisse te discréditer? Pourquoi le moindre détail certains nous cataloguer? Devoir me juger comme cela, c'est clair, je ne l'admets pas. Un peu de barbe et une casquette, je sens que ça ne passe pas. Dis-moi pourquoi ton esprit s'est fait formater jusque-là. Sois plus malin que tes préjugés, est-ce que tu peux comprendre ça? Des études et des idées, un bac plus sain comme attitude. Je ne rentre pas dans tes codes, je perçois là ton inquiétude. Ton regard était méprisant pour jauger mon attitude. Jugé trop vite par l'apparence, comme tomber dans la solitude.

Ah là là, quelle superbe chanson, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour notre prochain artiste, je vais vous faire une petite devinette si vous le voulez. C'est un groupe de reggae britannique, eh oui encore une fois. Ils sont formés de 6 musiciens et leur style de musique, bah c'est le reggae. Est-ce que vous avez retrouvé ce groupe? Eh oui, je parle bien de UB40, ce grand groupe britannique. Et la chanson s'appelle Red Red Wine. So fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the band of sweet head blind. Red, red wine, you give me wally-pazing. Wally-pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style, yeah. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can't get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just. So fine, monkey pack.

la balle n'a pas ôté l'espoir de ma vue. J'ai encore des choses à dire, encore des choses à faire. C'est pas l'heure de mourir, c'est pas non plus la manière. Il y a des gens qui comptent sur moi et moi je compte sur les gens intelligents. Ce sont les plus dérangeants, c'est avec eux, soudés et solides comme la soudure, que jusqu'au dernier soupir, on contrera les coups durs. Un jour je partirai, mais mon travail restera. Natural mystique, mec, y'a des choses qu'on n'explique pas. Pourquoi moi, j'ai senti le besoin de faire ça. Pourquoi cette attraction, pourquoi j'ai pesé ce poids. Mais voilà, un matin, le destin fait le malin. Me prend par surprise et m'injecte son venin. Mal au pied, je suis crevé, mais les tourneurs veulent tourner, on y va. Si je dois mourir, je veux chanter. Déjà 36 ans que j'ai débarqué sur cette terre. 1981 marque la fin de mon ère. Aujourd'hui, j'aurai 60 ans et des poussières. Mais bon, j'ai réussi et j'en suis fier. Les amis, cette émission est déjà presque finie. Les minutes passent tellement vite à vos côtés, c'est déjà notre dernier chanteur. C'est fou quand même. Hein. La chanson est de Ariana Grande et elle s'appelle Side to Side. Mais avant de passer cette chanson, je voudrais juste passer une petite dédicace à mon frère, si ça vous dérange pas, bien sûr. Qui m'aide beaucoup pour trouver toutes ces vieilles musiques, comme on a pu entendre certaines dans cette émission. Voilà, donc Rouya, si tu m'entends, petite dédicace. Voilà, allez, c'est parti pour Side to Side de Ariana Grande. Flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches close, it's my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me, pop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause I. I'm